Chapitre 7e, Intervention. Pour surprendre son grand-père, Armand descendit à l'entrée du village. À travers les champs, par des sentiers, dont ses pieds avaient gardé le souvenir, le long de fossés bordés d'ajoncs en fleurs, elle se dirigea vers le château. Victorine, marchant derrière, voulait s'arrêter à chaque pas et cueillir un bouquet pour son bon papa. La cour était déserte. Elle arriva jusqu'à la maison sans avoir rencontré personne. Dans la cuisine était Jeannette, la fille de service. « Où est grand-père ?» demanda Armand en arrêtant à grand-peine les exclamations de celle-ci. « Dans la bibliothèque, je vais prévenir monsieur. » Armand l'en empêcha et elle traversa le salon. Monsieur Michon n'était point dans la bibliothèque. En regardant autour d'elle, Armand fut frappé par un désordre bien étrange dans une maison qui autrefois était si propre. Pas un meuble n'était à sa place. Sur les chaises traînaient de vieux habits, des livres ouverts, des journaux. Sur la cheminée étaient entassés des mouchoirs. Dans la couche de poussière grise qui recouvrait tout, il y avait çà et là des trous et des rayures. Au bout de la bibliothèque était la grande chambre qu'elle avait habitée durant les premiers jours de son mariage. La porte en était ouverte, elle entra. Son grand-père était assis dans un fauteuil en face du lit. Au bruit de leurs pas, il ne remua point. Il paraissait plongé dans une profonde méditation. Sa tête était inclinée en avant. Ses bras étaient ballants. Il ne releva les yeux que lorsqu'Armande fit ombre devant la fenêtre. « Ma chère fille » s'écria-t-il en se levant et en ouvrant ses bras qui tremblaient. Elle lui sauta au cou, ils s'embrassèrent et elle retomba dans son fauteuil. Ses lèvres s'agitaient sans se former des mots. Sur son visage, dans ses yeux mouillés, était une joie éclatante. « C'est toi » dit-il. « Comme Victorine est belle. Mets-la-moi sur les genoux. Je suis ton grand-père. « Embrasse-moi, » dit-il à l'enfant. Lorsqu'ils furent un peu plus calmes, « J'ai rêvé il y a 2 jours que tu t'ennuyais de moi. C'était vrai puisque te voilà venu. Moi aussi je m'ennuyais. C'est pour cela que tu me trouves là. J'étais venu dans la chambre souvenir revivre un peu. Pauvre grand-papa, ça me fait du bien de passer ici 1 heure ou 2. J'ai mis tout ce qui t'a appartenu. Voilà tes livres, ton piano, le fameux piano qui t'a fait épouser Maurice. » Je me suis entouré de tous les objets qui gardent quelque chose de toi. Il me semble même parfois, quand je rêvasse, que cette glace a gardé ton image et que je t'y vois comme si derrière moi tu te mirais par-dessous mon épaule. Seulement, ce qu'il y a de bizarre, je ne te vois pas tel que tu es maintenant, mais tel que tu t'es montré, dans ta pauvre petite robe d'indienne, quand tu es arrivée de Paris la première fois, maigriote, pâle, souffreteuse, avec les grands yeux parlants qui m'ont remué le cœur comme une caresse de ta mère. C'est là, toute ma vie maintenant. Ça me rajeunit et ça me réchauffe. Seulement, ça me réchauffe quelquefois si bien que ça me grise. Crois-tu qu'il y a 15 jours, je me suis si complètement monté la tête que je voulais partir pour aller vous surprendre à Paris? Je me suis habillé, j'ai envoyé chercher la voiture de Pirioux. Je me faisais fête d'arriver pour la représentation de Maurice et jouir de ta joie. À propos, un succès, hein? Car je bavarde. Aussi grand que nous pouvions l'espérer. J'en étais sûr, c'est un fameux gaillard. Tu as dû être bien heureuse. Enfin, le vrai, c'est que je ne suis pas partie, et j'ai bien fait, puisque te voilà venu, car te voilà bien. Tout à coup, il se leva vivement et se pendit au cordon de la sonnette. Jeannette, Louise! Elles arrivèrent. Vous allez tuer des poulets, des pigeons, la grosse dinde. On ira voir s'il y a du poisson. Aimes-tu toujours le fromage à la crème? Oui. Vous ferez un fromage, et tout de suite. Vous direz à Evenou de prendre des hommes pour l'aider à ratisser le jardin. Allez, et plus vite que ça. Un festin, vous entendez? Vois-tu, dit-il à sa fille, je m'abandonne un peu. Il ne faut pas m'en vouloir, tu sais, quand on est seul. Elle n'avait pas besoin qu'il le dît. Elle ne le voyait que trop. Il avait un vieil habit noir déchiré au coude, taché au revers, un pantalon rougi aux cuisses. Sa barbe n'avait pas été faite depuis 4 ou 5 jours. Comme il avait changé, vieilli, baissé. Il lui sembla même qu'il était rapetissé. « Comme tu me regardes, dit-il, tu me trouves changé ?» Elle voulut répondre. « Dis donc, parle un peu haut, l'oreille est devenue dure. » La voiture, qui avait suivi les longs détours de la route, arriva. Armande fit monter ses bagages dans sa chambre. Quand elle redescendit, son grand-père était dans la salle à manger. Il avait fait une toilette complète. « Tu ne me verras plus comme tu m'as surpris. » dit-il, tu m'as rajeuni. Es-tu gentil d'être venu? En face d'une pareille joie, comment dire qu'elle venait demander de l'argent pour Maurice? Il lui fallut 3 jours. À chaque instant, elle croyait pouvoir parler. Elle se fixait, en se promenant avec lui, de certains arbres qu'elle ne dépasserait pas sans s'être confessée. Lorsqu'ils étaient dépassés, elle s'en fixait de nouveau, en se dépitant contre elle-même. Elle était dans un terrible embarras. La peur de peiner son grand-père la retenait, et la peur de laisser Maurice dans l'attente la poussait en même temps. Un soir, après dîner, profitant de ce que la lampe n'avait point encore été apportée, elle se décida. Au premier mot, il se leva, courut à son bureau aussi vite que lui permettaient ses jambes tremblantes, et revint les mains pleines de pièces de 5 francs, de louis et de billets de banque. « Tiens, dit-il, prends ça. Il y a un peu plus de 3 000 francs, ce sont mes économies. Je voulais boucher la brèche faite par les 100 000 francs, mais puisque tu en as besoin, les voilà bien placés. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» Il n'avait pas compris. Il fallait préciser. Elle essaya. « Maurice ne te donne donc pas ce qu'il faut ? » dit-il au premier mot. « Est-ce que ça ne va pas tout à fait bien ? Tu es pensif depuis que tu es ici. As-tu des chagrins ?» Il se leva pour l'embrasser tendrement. « Allons, reprit-il, dis tout à ton grand-père. Tu es maigri et pâli. Pourquoi ?» Certes, il eût été doux de s'ouvrir à ce cœur paternel. Mais devait-elle partager ses douleurs avec ce pauvre vieillard maintenant si faible ? Qu'elle avoua la vérité, et d'un mot, elle l'enlevait à son repos pour le jeter dans les angoisses qu'elle supportait elle-même, en même temps qu'elle le fâchait contre Maurice. Elle calma donc ses tendres soucis, et de son mieux, elle s'expliqua. « Ah, malheureux enfant, s'écria-t-il, tu es venu pour de l'argent. De l'argent, je n'en ai pas. 20 000 francs, où veux-tu que je les prenne ? Tu connais ma fortune. J'ai cette propriété, les 100 000 francs et 110 000 que, pour rien au monde, je ne veux déplacer. C'est ma réserve. Et quand on est vieux, on a peur de manquer. Tant pis pour ton mari. Écris-lui, je ne suis pas un puits sans fond. » Mais le lendemain, bien avant qu'elle fût levée, il entra dans sa chambre. « Je viens t'embrasser, dit-il, et te demander pardon des stupides paroles qui m'ont échappé hier. J'ai réfléchi, car je n'ai pas dormi, comme tu penses bien. Il y a un armateur de Morlaix qui a envie de cette maison, je vais la lui vendre. » Elle se récria. « Il n'y a que ce moyen, poursuivit-il, il ne faut pas trop m'en savoir gré. Je suis malheureux ici. Depuis que je n'ai plus l'abbé et monsieur de Tréfléant, je m'ennuie. Toujours tout seul à mon âge, si tu savais ce que c'est. Je baisse, je n'ai plus l'œil à rien. On se moque de moi, on ne m'écoute plus. C'est Louis qui commande. Elle est mademoiselle Jordan, j'en ai peur. Les livres, c'est bon, mais toujours, rien que des livres. Il me vient des pensées qui ne sont pas couleur rose. Qui m'aurait dit qu'un jour j'aurais peur de la mort? Eh bien, j'en ai peur. Surtout quand je me dis que je peux mourir tout seul dans cette grande maison, sans que tu sois là près de moi. Car Paris, c'est loin. Il y a bien à parier que je mourrai d'un coup. » Elle l'embrassa. « Tu dis non, poursuivit-il, mais je n'ai pas été médecin pour rien. Le cerveau, vois-tu, c'est là qu'est le danger. Tandis que je vends ma maison, j'en tire 35 ou 40 000 francs, je te donne ce que tu veux et je m'en vais avec toi à Paris. Je vivrai de ta vie, je te verrai tous les jours. Tu m'as dit qu'il y avait un tout petit pavillon de libre dans ta maison, j'installerai mes livres et ma vieille carcasse. Tu me feras servir par ta cuisinière et je serai l'homme le plus heureux de France. J'irai te faire visite tous les jours à la même heure. Toi, tu viendras quand tu voudras. Tu m'enverras Victorine quand tu ne viendras pas. N'aie pas peur, je ne gênerai pas Maurice. Seulement je surveillerai les affaires, qui, je crois, en ont besoin. Car enfin, depuis votre mariage, voilà bien de l'argent d'emberré. C'est entendu, n'est-ce pas ? Elle voulut le remercier. Écris-lui qu'il aura ses 20 000 francs et que bientôt je verrai Imogène. En attendant, je vais chez M. Kerbern lui proposer l'affaire. Elle avait bien des objections contre ce projet. Elle en essaya quelques-unes. Il lui répondit à toutes. Pouvait-elle insister alors qu'il appuyait si vivement sur l'effroi de la solitude ? Sans doute, il y avait danger qu'il se fâchât s'il venait à voir la vérité. Mais en même temps, il y avait espérance que cette réunion devint une salutaire contrainte pour Maurice. Et ce mot « réunion », si puissant avec tous ses mirages, montra l'espérance bien près, le danger bien loin. L'affaire de la maison toute meublée, les livres et quelques objets exceptés, furent conclus pour le prix de 45 000 francs, et 3 semaines après l'arrivée d'Armande, ils se trouvèrent prêts à partir. Jusqu'au moment décisif, M. Michon montra plus de fermeté qu'elle n'en avait attendu. « Tout le monde va vivre à Paris maintenant, disait-il. Je me mets à la mode. Pourquoi regretter cette maison, une bicoque ? » Il faisait des projets. Je sortirai tous les jours avec toi. Tu me feras beau. Je serai coquet. Un vieillard doit être coquet. Tu verras qu'habillé par un bon tailleur, j'ai encore de la tournure. Quand Maurice fera le garçon, je te paierai à dîner au restaurant. Avec moi ? Dit Victorine. Oui, fillette, avec toi. Les derniers jours ébranlèrent ce courage. À chaque instant, c'était de nouvelles visites. Il était universellement aimé. Quand il paraissait dans le village, on sortait pour lui serrer la main, et plus d'un laboureur dans les champs arrêta sa charrue pour venir au bord du chemin lui dire adieu et lui souhaiter bon voyage. Ce fut aussi un dur moment que celui où il régla le compte de ses domestiques. Il l'avait tourmenté en ces derniers temps, mais il les avait à son service, les deux bonnes depuis 15 ans, le jardinier depuis 8. Cependant, il se contint, mais quand la voiture qui les amenait sortit de Plorac et passa devant le cimetière, il faiblit. Il fit arrêter. « Descendons, dire adieu à nos morts. » Puis, quand il fut remonté et que les chevaux eurent repris le trot, « Ma pauvre Armande, te voilà maintenant avec 2 enfants sur les bras, ta fille et ton grand-père. » L'arrivée de M. Michon à Paris modifia les habitudes de Maurice, qui apporta dans ses relations avec Lina une prudence et une mesure perdues depuis longtemps. Mais malgré cette prudence, malgré aussi le soin d'Armand de dissimuler ce qui était niable et d'expliquer ce qui était louche, la vérité se fit insensiblement et après quelques semaines, elle devint éclatante à éblouir un aveugle. Le bonheur menacé de sa fille l'arracha à l'attendrissement sénile qui, dans la solitude, avait commencé à l'envahir. En face du danger, il retrouva sa sûreté de jugement, sa volonté et son énergie. Il en fut de lui comme de la mère malade, anéantie dans son lit, qui retrouve sa force dans le râle de son enfant et se lève guérie pour le soigner, le sauver, la sauver elle-même. « Pourquoi ne t'es-tu pas plainte à moi ? » dit-il à Armande. « Pourquoi ne t'es-tu pas révoltée ? Ah, faible cœur, il n'y a pas de fierté dans ton sang. Tu es bien la fille de ta mère, nature de mouton faite pour souffrir. Allons, allons, enfant, ne rougis pas. Si je ne t'excuse point, au moins je te comprends. C'est ton vice, à toi, que cet amour. » Elle le supplia de ne point intervenir. Il ne voulut point l'écouter. « Ton bonheur est le mien ? » dit-il d'une voix altérée. « Je le défendrai. Par quel moyen, je ne sais pas, mais je trouverai. Je ne suis pas encore tout à fait un vieillard inutile. Je t'en prie, » dit-elle. « Non. Tu voudrais que je restasse les bras croisés à te regarder souffrir, à voir ta beauté que j'aime tant, s'en aller jour par jour, lambeau par lambeau. Tiens, à cette idée, mon cœur éclate. 1000 tonnerres, j'en mourrais fou. Songe donc, enfant, que c'est ma faute si tu es malheureuse, car je connaissais ton mari. Non, non, c'est mon affaire. Tu resteras en dehors de ce que je ferai, tu n'en sauras rien. Si plus tard il en veut à quelqu'un, ce sera à moi. Ainsi, je ne t'ai rien dit. Pars de là, c'est le mieux. Si cependant tu as la faiblesse de le prévenir, je ne me fâcherai pas contre toi. » Il était homme pratique, et il avait toujours marché droit et vite à son but. 2 jours après cet entretien, un matin, vers 11 heures, il se présenta chez Lina. C'était par Madame Aigbel qu'il avait appris qu'elle était la maîtresse de son gendre. Par le concierge du théâtre, il avait eu l'adresse de Lina. Il ne savait trop à quelle heure on se présente chez ces gens-là. Cependant, le lendemain matin, de bonne heure, il y alla. Ce fut Madame Amédée qui ouvrit. « La mère, se dit-il, c'est bon. À elle d'abord. Si M. Berthaud vient, pendant que je suis ici, trouver un prétexte pour ne pas le recevoir, j'ai à causer avec vous et avec votre fille, sérieusement. » Madame Amédée fit l'observation que Lina n'était point sa fille. « C'est bien. » dit-elle avec autorité, « alors prenez votre maîtresse. » Ce qui distingue les domestiques de l'espèce de Madame Amédée, c'est qu'en quelque langue ou de quelque manière qu'on leur parle, ils ne repoussent jamais l'inconnu qui se présente avec assurance. Pourvu qu'il n'ait pas l'air d'un créancier, c'est tout ce qu'on lui demande. Après l'avoir fait entrer, elle alla prévenir Lina qui dormait encore. « Laisse-moi tranquille, » dit-elle en se frottant les yeux. « C'est un beau vieux qui a grand air. Son nom ?» Il me dit seulement de renvoyer monsieur s'il venait. « Bon, en voilà une bonne. Faut voir ça. » dit-elle en s'asseyant vivement. « Où l'as-tu fait entrer ? Dans le salon ? Bon. Prends ce bouquet, porte-le sur la grande console. Sans avoir l'air de rien, tu tâcheras de dire qu'on me l'a jeté hier au théâtre. » Madame Amédée se dirigea vers la porte. Lina la rappela. « Prends dans la poche de ma robe violette que j'avais hier 3 ou 4 cartes de visite. » Madame Amédée fit ce qui lui était ordonné et prit les cartes sur lesquelles on lisait « Duc de la Rocheferrand, prince Peter Goff, marquis de Riopardo et quelques noms financiers bien connus. C'est le graveur qui me les a donnés hier, répondit Lina à une muette interrogation. Corne-les et jette-les dans la coupe. En attendant qu'on sache ce qu'il veut, épatons-le toujours. Dis-lui que je m'habille. Pendant ce temps, M. Michon marchait de long en large dans le salon. Il était étonné, ébloui. Il avait soigné à Brest des comédiennes qui avaient pour amants des officiers de marine, mais c'était la première fois qu'il entrait chez une Parisienne. Ce qu'il voyait renversait toutes ses idées. Les murs tendus de satin bleu pâle, le tapis semé de fleurs, les bronzes, les meubles sculptés, la confusion d'étagères, de consoles et d'encoignures chargées de porcelaine et de potiches, lui révélaient un trop-plein et un fouillis qu'il ne soupçonnait pas. À chaque chose nouvelle, il se faisait la même demande « Est-ce mon gendre qui a payé tout ça ?» Il attendit à peu près un quart d'heure, et Lina parut dans un élégant négligé du matin. Souriante, elle se dirigea vers M. Michon qui était debout auprès d'une fenêtre. « Je suis le grand-père de Mme Berthaud, le docteur Michon. » Lina, qui était en train de draper les plis de son peignoir, resta les deux mains en l'air. « Je sais, » continua-t-il, « de quelle nature sont vos relations avec mon gendre, et vous devez comprendre ce qui m'amène chez vous. » Contrairement à son habitude, Lina avait été décontenancée, mais elle n'avait point perdu sa présence d'esprit. « Monsieur, » dit-elle avec une lenteur qui lui permettait de peser ses paroles et qui en même temps jouait à la dignité, « je ne le comprends nullement. » Et cela sans doute parce que je ne sais pas ce que vous entendez par mes relations avec M. Berthaud. J'entends qu'il est votre amant, répliqua-t-il. À ce mot, elle marcha vers la porte sans lever les yeux, sans répondre. Eh bien, fit-il. Elle était prête à sortir, elle se retourna et revint sur ses pas. Je ne devrais pas vous écouter davantage, car vous oubliez que vous parlez à une femme, que vous êtes chez moi, et que je n'ai personne pour me défendre. Mais un mot encore. De quel droit me parlez-vous ainsi ? À son tour, M. Michon fut déconcerté. Il avait cru qu'il aurait affaire à une grisette qu'il dominerait de toute la hauteur de son âge. Il trouva une femme qui ne se laissait ni effrayer, ni entraîner, qui à ses attaques opposait le silence et qui, habilement, plaçait la lutte sur un terrain où elle pouvait se retrancher derrière une juste indignation. « J'avoue, dit-il, que je ne m'attendais pas à ces dénégations. Vos relations ne sont-elles pas publiques ? Ah ! S'écria-t-elle en se posant d'un air plus libre les deux bras sur le dossier d'un fauteuil. « C'est là vos preuves pour m'accuser. Mais est-ce que ces relations, pour parler comme vous, n'ont point une explication toute naturelle ? Est-ce que depuis plusieurs mois, M. Berthaud n'a pas eu à me faire répéter le rôle que j'ai bien voulu accepter de son opéra ? Le monde, dites-vous, en a conclu qu'il existait entre nous des relations. C'est possible. Mais êtes-vous sûr d'avoir compris le mot comme on vous le disait ? D'ailleurs ce mot, le monde le disait tout bas. Deviez-vous, l'interprétant à votre manière, venir me jeter à la figure que j'étais la maîtresse de votre gendre? Ce qu'il y a de plus clair dans ces relations, c'est que j'étais une fois chez lui pour lui rendre le service de chanter sa musique devant quelques amis, et que, plus tard, je lui ai rendu le service encore de chanter au théâtre. Ceci, il me semble, me méritait bien quelques égards. Puisque vous parlez de service rendu, il en est un plus important que cela que je réclame de vous et qui vous sera facile. Vous vous êtes défendu d'être la maîtresse de mon gendre. Permettez. Je n'ai pas plus nié que je n'ai reconnu. Il ne me convenait ni de faire ni l'un ni l'autre. Je vous ai donné des explications pour vous prouver que vous pouviez vous tromper, voilà tout. Soit, reprit-il impatienté, je me suis trompé. Mais c'est précisément parce que je me suis trompé que ce que j'attends de vous est facile. Cette intimité que vous avouez entre vous et mon gendre est le malheur de ma fille. Que suis-je donc à vos yeux pour que mon intimité avec M. Berthaud fasse le malheur de sa femme ? Ces interruptions continues, ces arguties plus ou moins habiles, firent monter le sang à la tête de M. Michon. « Voyons, reprit-il, pas de paroles inutiles. Je vous répète que ma fille souffre. Je vous demande de la guérir. Comprenez-moi. Je la croyais heureuse. J'arrive, je trouve un intérieur désolé, un mari mécontent, aigri, injuste, toujours hors de chez lui. Une femme en apparence résignée, au fond du cœur désespéré. Cette femme, c'est ma fille, un enfant qui j'ai mis mon bonheur et ma vie. Eh bien, je viens à vous. Je fais appel à votre cœur et vous demande de rompre avec mon gendre. Si en entrant ici j'ai pu vous blesser, pardonnez-moi. Mettez-vous à la place d'un vieillard qui voit sa fille perdue et qui voudrait la sauver avant de mourir. » Sa voix tremblait en achevant ces paroles. Lina parut émue. Ce que jusqu'alors elle avait cherché dans chacune de ses réponses, ça avait été précisément de ne pas répondre. Le moment était venu où elle devait se prononcer. Elle fit cependant une dernière tentative. « Il était vraiment bien plus simple, » dit-elle doucement, d'adresser ses demandes à M. Berthoux. « Eh, madame, nous ne sommes plus rien pour lui, ni moi qui l'ai élevé, ni ma fille qui l'adore, ni son enfant. Vous nous avez tous remplacés. C'est pour cela que je vous adresse ma demande, qui ne peut pas être plus étrange pour vous qu'il entendait que pour moi, madame, qui l'a fait. Ni l'un ni l'autre ne pensons à cela et ne voyons que la vérité d'une situation déplorable. Je ne veux pas revenir sur un sujet qui vous fâche, mais je puis dire, n'est-ce pas, sans vous blesser, que mon gendre vous aime. Eh bien, renvoyez-le. Que je m'adresse à lui directement, vous savez bien qu'il résistera à une prière qui ressemblera trop à un ordre, tandis que cette prière, venant de vous, il l'écoutera. Que vous importe l'amour ? Il surprit. Je veux dire l'amitié, la tendresse de Maurice. Vous êtes aimé, désiré. Quelle puissance peut avoir cette amitié formée depuis quelques mois seulement, tandis que ce cœur que je vous redemande, c'est la vie pour ma pauvre fille, c'est le bonheur pour une famille, c'est, oui, c'est l'honneur pour une maison. Tenez, je ne parle pas pour moi, pour nous, mais pour lui. Songez qu'au bout du chemin où il s'est engagé, il n'y a que le désespoir, et que ce chemin encore lui sera bien dur, car chaque matin, pour venir chez vous, il faut qu'il brise les liens, qu'il retienne chez lui l'amour de sa fille, l'amour de sa femme, sa propre tendresse à lui-même, car malgré tout, il aime ces deux êtres qu'il fait souffrir. Allons, madame, un bon mouvement, je jette mes 80 ans à vos pieds. » Il avait prononcé ces paroles d'une voix entrecoupée. En les achevant, des frémissements étaient dans sa gorge. Il s'arrêta et fixa sur Lina ses yeux émus. Quelques minutes, longues comme des heures de souffrance, se passèrent, lui attendant, elle restant immobile. Enfin, comme elle se taisait obstinément, il reprit « Eh quoi, vous ne répondez pas. Faut-il donc que successivement je trouve en vous partout le vide et que rien ne résonne ?» Disant cela, il lui frappa légèrement du bout du doigt sur l'épaule au-dessus du cœur. « Alors, continua-t-il, ce qu'on m'a dit de vous serait vrai. En ce cas, j'irai jusqu'au bout. J'ai courbé devant vous mes cheveux blancs. J'ai fait appel à votre cœur. Je vous ai promis la reconnaissance d'une famille que vous sauviez. Ne croyez pas que cette reconnaissance doive rester un vain mot. Je vous donne ma parole, que nous vous la témoignerons d'une manière effective. « Vraiment ?» dit Lina. Emporté par la véhémence de sa parole, il se méprit sur cette interruption, ne vit point de quel ton elle était faite et poursuivit. « Oui, je m'engage. Si vous ne revoyez pas mon gendre, à vous payer aujourd'hui, en un an, une somme de 10 000 francs. » Il attendait un grand effet de cette offre qu'il croyait irrésistible. 10 000 francs, c'était pour lui une somme. Combien lui avait-il fallu de temps pour gagner 10 000 francs ? « Vous avez fini ?» dit Lina. « C'est tout ?»« Mais il me semble que 10 000 francs. Ce n'est pas de votre argent que je parle, c'est de vos discours. Ainsi, vous croyez que parce que je les ai écoutés jusqu'au bout, je suis capable du marché que vous me proposez et vous attendez que je vous réponde. C'est bien. » Elle avait dans tout l'entretien parlé avec cette mélopée traînante qui au théâtre a la prétention d'être noble. À ces derniers mots, elle redevint elle-même pour le ton, le geste, les paroles. « Je ne vous ai pas répondu parce que ça me fâchait de désespérer un vieillard comme vous. Et puis je ne voulais pas compromettre Maurice. Je cherchais à lui laisser la liberté de dire que j'étais ou je n'étais pas sa maîtresse, à son gré, comme il le trouvera utile, sans être arrêté court par un aveu de moi. Vous n'avez pas compris ça. Vous me poussez à bout. La patience m'échappe. Tant pis pour ce qui arrivera. À vous la faute. Oui, il est mon amant et je l'aime. Êtes-vous content ? Je vous dis la vérité. Mais je vous dis en même temps que je ne le renverrai point. Vous m'avez offert 10 000 francs. C'est un bon prix venant de vous et ça me flatte, mais ce n'est pas assez. Vous m'en offririez 20 000, 40 000, ça ne serait pas assez encore. Ah, mais c'est qu'il est cher, votre gendre. Tout le monde en veut. Vous venez de me dire que sa femme l'adore. Vous croyez que ça va me faire plaisir, peut-être, et me décider à lui rendre son mari chéri ? Eh bien, son mari chéri est mon amant chéri à moi. Je n'ai pas été le chercher. Est-ce ma faute si elle n'a pas su le garder, s'en faire aimer ? Elle est malheureuse, elle souffre. Je ne serai donc pas malheureuse, je ne souffrirai donc pas, moi, s'il m'abandonnait demain pour sa femme. Vous dites que je suis aimé, désiré. Désiré, oui, je l'ai été, et je le suis toujours. Aimé, je ne l'étais que par Maurice. C'est pour ça que je le garde, et ne veux pas vous le vendre. Votre fille a son enfant, elle a un père, une maison, le monde. Elle a une réputation qui la fait estimer et plaindre. Qu'est-ce que j'ai, moi, pour me consoler ? Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de père qui m'aime comme vous l'aimez. J'ai une mère qui serait mon excuse quand je serai la plus misérable des femmes et le monde. Croyez-vous qu'il nous soit tendre, depuis les ouvriers qui jettent de la boue à nos voitures, jusqu'aux écrivains qui se font aimer de nous pour nous livrer après à la risée ou au mépris du public? Je sais bien que ça vous est égal à ce que je peux devenir et que vous ne pensez qu'à votre fille. Moi, qui n'ai personne pour penser à moi, j'y pense moi-même. Vous avez trouvé naturel de me parler comme vous l'avez fait. Trouvez naturel que je vous réponde comme je sens. J'aime Maurice. Je ne me sacrifierai point pour vous qui me méprisez, ni pour votre fille qui me hait. » Il se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'eut poussée devant lui, il se retourna. « Ce que je trouvais naturel, dit-il, c'était que vous me vinssiez en aide pour réparer le mal que vous avez fait. Vous me repoussez. Soit, je le réparerai seul. » Il était au milieu du cadre de la porte, ayant redressé sa taille voûtée, le bras étendu vers Lina, la tête haute, rouge de colère sous sa couronne de cheveux blancs, vraiment superbe dans son indignation. Ses dernières paroles, simples en elles-mêmes, étaient pleines de menaces par la véhémence avec laquelle elles avaient été lancées. Lina ne s'en laissa point effrayer. « Vous savez, dit-elle, que Maurice m'aime assez pour quitter sa femme le jour où je le voudrais. Pensez-y. » Il sortit, tremblant de colère, mais cependant maître de lui. Il lui sembla qu'avant de rien entreprendre, il fallait qu'il eût Maurice en son pouvoir, ce qui était difficile, car celui-ci, qui devait avoir 100 000 francs à lui, se trouvait à l'abri de toute pression d'argent. Dans quel terme était fait l'acte d'acquisition du journal, c'était donc la première chose à savoir. Il se fit conduire chez Liénard. En apprenant que cet acte était rompu et que Maurice avait été remboursé, sa stupeur fut profonde. Il resta accablé, sans trouver une parole pendant plusieurs minutes. Liénard voulut le rassurer. Au premier mot, il l'arrêta. « Non, dit-il, cet argent est perdu. Je sais où il est passé. Mais cette perte m'indigne moins que la façon dont on a usé avec moi pour me tromper. Voulez-vous me promettre de ne pas parler de ma visite à mon gendre avant 2 jours ?» Liénard promit tout ce qu'on voulut. Ce n'était pas payé trop cher les 25 000 francs qui étaient restés entre ses mains crochues. Lorsque M. Michon rentra, Armande fut frappée de son agitation. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses lèvres se tordaient en parlant. « Fais-moi allumer du feu, dit-il, j'ai froid. Quand ton mari rentrera, tu me l'enverras, nous avons à causer. » Il ne voulut point répondre aux questions qu'elle lui fit, et après l'avoir embrassé, il gagna le petit pavillon où il était installé, et qu'au moyen d'une porte ouverte dans le mur, on avait mis en communication directe avec le jardin de sa fille. Au bout d'une heure à peu près, Maurice arriva. Lui aussi paraissait agité. « Vous m'avez fait demander, dit-il. « Oui, répondit M. Michon sans lever les yeux. « Nous avons jusqu'à présent fait nos affaires d'intérêt comme des enfants. Il est temps de les faire comme des hommes. Veux-tu t'asseoir à ce bureau et reconnaître que tu as reçu de moi comme don fait à ta femme, premièrement, un capital de 100 000 francs, deuxièmement, en plusieurs fractions, une somme de 45 000 francs ?» Maurice, surpris, le regarda. « Les as-tu reçus, oui ou non ?» poursuivit M. Michon. « Oui. Est-il juste que tu le reconnaisses ? Sans doute, si vous l'exigez. Alors fais-moi le reçu que je vais te dicter. » Maurice se mit au bureau et écrivit ce qu'on lui demandait. Lorsqu'il eut achevé, M. Michon lut attentivement le papier, le sécha au feu et le serra dans un tiroir dont il retira la clé. « Maintenant, dit Maurice, qui de pâle qu'il était en entrant était devenu blême, je vous prie de m'entendre quelques instants. » Mais M. Michon le regarda en face et l'arrêta d'un geste. « Maintenant, dit-il, c'est à vous de m'entendre, à moi de parler. De notre entretien sortira une vie nouvelle pour nous. Causons donc net. Quand vous étiez malheureux, je vous ai accueilli. Vous en avez profité pour vous faire à mon insu aimer de ma fille. Je savais quelle avait été votre jeunesse. J'ai cependant consenti à un mariage entre vous qui n'aviez pour toute fortune qu'un mauvais passé et elle plus riche de qualité et de beauté que d'argent, ce qui ne veut pas dire qu'elle fût sans le sou. Vous en savez quelque chose. J'ai été pris par mon amitié pour vous, par ma tendresse pour celle qui vous aimait, par le souvenir de votre mère, et j'ai eu la faiblesse d'oublier que celui qui avait été mauvais fils devait être mauvais mari et mauvais père. » Maurice fit un geste pour interrompre. M. Michon continua. « Est-ce à moi que vous osez dire qu'elle n'est pas morte de votre abandon, à moi qui l'ai soignée, la chère femme, quand vous ne lui écriviez même pas pour la consoler? Voyons, me le dites-vous? Non, n'est-ce pas? Alors écoutez-moi. Mon aveugle faiblesse m'a fait votre complice. À nous deux, nous avons tué Audrey. Ça a été ma première expiation. Elle ne m'a point ouvert les yeux. Cependant, ce n'était pas assez pour vous de m'avoir pris une fille. Il vous fallait ma fortune. Pour commencer, vous m'en avez fait demander la moitié par votre femme, et naturellement je vous l'ai donnée. J'ai été joliment récompensé, convenez-en, de vous avoir donné fille et fortune. Ma fille, vous l'avez trahie. Pleine de jeunesse et de charme, elle a été abandonnée pour une gourgandine qui n'est même pas jolie. Vous en aviez assez de la pureté, il vous fallait le vice et la boue. » C'était en marchant un grand pas à travers la chambre qu'il lançait ses invectives. Maurice, le dos appuyé contre le lambris, restait immobile, les yeux fichés sur le parquet. À ces derniers mots, il releva la tête. « Moi, » dit-il d'une voix étouffée, « ne parlez que de moi. »« Oui ?» reprit M. Michon, « il vous fallait la boue. Y a-t-il une autre explication à vos appétits, à vos instincts ? S'il y en a d'autres, dites, parlez. Ma fille n'était-elle pas assez belle pour vous, pas assez jeune ? Cependant, voilà ce que vous avez fait d'elle. Voyons maintenant ce que vous avez fait de ma fortune, de sa fortune. Pendant que nous la croyions solidement placée, vous la retiriez ou la gaspillez avec votre maîtresse. Ma fille souffre dans la gêne. Votre maîtresse s'étale dans le luxe. Avec l'argent de celle que vous avez ruinée, vous en avez enrichi l'autre. Voilà la situation dans toute son horreur. Ai-je dit un mot qui ne soit pas vrai ? Ce qui est vrai pour vous ne l'est pas pour moi. Pas de subtilité. Je vous demande s'il est vrai que par vous ma fille est ruinée et que par vous elle est malheureuse. » Il ne répondit rien. « Votre silence est un aveu. Tablons là-dessus. Vous pensez bien, n'est-ce pas, que je n'ai point rappelé ces infamies pour décharger ma colère ? Toutes les paroles ne videraient pas mon cœur. Et puis à quoi bon ? Vous n'avez pas été arrêté par l'amour pour votre femme, par la pensée de votre enfant, par le souvenir de l'amitié qui m'unissait à votre mère. Quelle influence aurait sur vous des paroles ? Le temps de l'illusion est passé, je l'ai payé cher. » Voici ce que j'ai à vous proposer. Nous verrons si vous avez été égaré ou si vous êtes à jamais perdu. Vous partirez demain pour l'Italie, l'Allemagne, le pays que vous voudrez. Je paierai votre voyage. Vous serez 3 mois absent. Dans 3 mois, vous nous rejoindrez en Provence, où je vais m'établir avec votre femme qui a besoin de repos et de soins. Nous ne reviendrons à Paris que dans 1 an. À ces conditions, je pardonnerai si je ne peux pas oublier. » Il s'arrêta devant Maurice et attendit. Puis voyant qu'il se taisait et tenait ses yeux obstinément baissés, il se détourna vers la fenêtre autant pour lui éviter la honte d'être observé dans une circonstance aussi décisive que pour cacher sa propre émotion. La situation devenant tout à fait insoutenable pour l'un et pour l'autre, Maurice se décida enfin. « J'ai de grands torts à me reprocher envers vous et envers ma femme, » dit-il à voix basse. « Je le reconnais. Mais dans les termes où vos conditions me sont imposées, je ne puis les accepter. » « Vous ne pouvez ?» s'écria M. Michon, se retournant d'un bond et montrant son visage pourpre. « Après votre démarche auprès de Mademoiselle Boiron, après vos menaces, ce serait une lâcheté. Il parle de lâcheté !» s'écria le vieillard, tendant vers lui son poing tremblant. « Tu refuses alors de rendre satisfaction à ta femme outragée, à ton grand-père ? Et tu crois que nous allons nous en tenir à des paroles ? Tu crois que je me suis séparé de ma chère enfant pour que tu la tortures ? Que j'ai passé ma vie à travailler, que j'ai sué et fatigué jour et nuit à monter les escaliers de Brest pour te donner à gaspiller les quelques 1000 francs que j'ai eu tant de mal à gagner ? Non, non, il y a des lois, je m'en servirai. Je n'ai pas pu arracher la mère d'Armande à un mari moins indigne que toi, et je te l'arracherai bien. Je ne suis pas encore sans force. Il avait proféré ce discours avec une violence extrême. Au dernier mot, sa langue s'embarrassa, il balbutia, il bégaya. À ce moment, il était debout devant la cheminée. Il s'arrêta, regarda vaguement autour de lui et s'affaissa sur un fauteuil qui se trouvait là. Presque aussitôt, se cramponnant convulsivement à la tablette de la cheminée, il se redressa. Maurice s'élança vers lui, mais il n'osa le toucher. Il se regardait dans la glace. Son visage était rouge, gonflé. Ses lèvres étaient d'un bleu livide. Tous ses membres étaient agités de mouvements convulsifs. Sa poitrine était haletante. Il retomba. « Vite, Carbonneau, » dit-il, « le notaire, rassurez Armande. » Il se laissa aller à la renverse, les yeux fixes, immobiles, grands ouverts, la face présentant l'empreinte d'une stupeur profonde. Lorsque Carbonneau arriva, il trouva le vieillard sur le lit où on l'avait mis, gardant toujours la même immobilité. Auprès de lui, ou plus justement, couché sur lui, était Armande déplorée, qui ne cessait de lui donner les soins qu'elle croyait bons, le frictionnant, lui frottant les tempes et les narines avec du vinaigre. Au fond de la chambre se tenait Maurice dans un morne accablement. Le premier mouvement de Carbonneau fut d'écarter Armande, puis il prit des ciseaux, fendit depuis le haut jusqu'en bas les vêtements du vieillard, l'enleva dans ses bras comme il le fait d'un enfant, le déshabilla, et avec des oreillers, lui exauça la tête. « Une cuvette, » dit-il, « ouvrez la fenêtre, fermez les rideaux. » Il pratiqua une saignée, le sang coula. Au bout de quelques instants, les yeux s'agitèrent, la face se détendit, le moribond reprit connaissance et regarda autour de lui. Il voulut du bras que Carbonone ne tenait pas faire signe à Armande d'approcher, mais il ne put pas le soulever. « Ah oui, » dit-il comme s'il se souvenait, « c'est vrai. » Il demeura encore 2 ou 3 minutes immobile et silencieux, tous les yeux étaient fixés sur lui avec angoisse. « Carbonneau, » dit-il lentement, « renvoyez ma fille. » Quand Armande fut sortie, suivie de Maurice, « ce n'est rien. »« Paralysie, » dit-il, « côté gauche, légèrement. »« Bon, cerveau. » « Mais solide, mon vieux maître, vous le voyez bien à vos demandes. » M. Michon respira plus librement. « Sans effrayer ma fille, » reprit-il, « vous enverrez chercher maître Blanchet, mon notaire. Allons donc, il ne faut pas attendre. Pourquoi donc ?»« Médecin, ne trompe pas médecin. Le testament me calmera. C'est la vie de ma fille. » « Après un pareil coup, l'état est bon, » dit Carbonneau, répondant aux interrogations d'Armande et de Maurice. « Nous verrons ce soir. » Les formalités du testament, la présence des notaires et des témoins, les demandes, les réponses, l'explication précise de sa volonté, l'attention prêtée à la lecture, fatiguèrent le malade. À peine l'acte était-il achevé, qu'il tomba dans un sommeil profond, mais lourd et paraissant douloureux. Armande, qui était sortie pendant le testament, vint alors s'installer auprès de lui. À son réveil, il l'aperçut, et comme s'il ne se souvenait de rien, il voulut étendre les bras vers elle pour l'embrasser. Ses efforts pour se soulever furent vains et quelques larmes coulèrent le long de ses joues flasques et pendantes. « À toi de m'embrasser, » dit-il, « moi je ne peux pas. » Sa voix était à peine intelligible, on voyait qu'il était obligé de faire des efforts pour remuer la langue. Lorsque Carbonneau revint vers 11 heures, il le trouva moins bien. La nuit cependant s'écoula assez calme pour le malade, qui, sans dormir d'un vrai sommeil, resta dans une sorte de somnolence. Ce fut à peine si, de temps en temps, il dit un mot, et plus d'une fois Armande fut effrayée des ronflements qu'il faisait entendre. Dès le petit matin, Carbonneau revint plein de zèle pour ce vieillard qu'il aimait comme un père. Lui, qui d'ordinaire paraissait assuré auprès de ses malades, se montra soucieux pendant l'examen auquel il se livra. Au moment de sortir, il fit signe à Armande, suspendu à ses yeux, de le suivre. Il lui prit le bras, et lorsqu'ils eurent descendu les marches conduisant au jardin, « C'est grave, » dit-il. Ce fut un coup de foudre. Elle n'entendit pas les quelques mots qu'il ajouta. Il lui sembla qu'ils étaient latins. « Si le laxatif que je prescris ne passe pas, je ne sais trop ce que nous ferons. » Maurice, à cet instant, sortait aussi du pavillon. Elle l'entendit et lui fit signe de venir. Pour cela, elle releva la tête. Carbonneau la regarda. « Eh bien, » dit-il, « allez-vous vous trouver mal? Allons donc, rassurez-vous, rien n'est désespéré. » Avec Maurice, il fut plus franc. « Je crains la paralysie de l'estomac, » dit-il, « alors il serait perdu. J'en viendrai aussitôt que possible. » Armande avait été anéantie par ces paroles qui lui étaient entrées dans le cœur comme un couteau. Ses jambes tremblaient, elle ne voyait pas autour d'elle. Pour la première fois, elle admettait comme possible qu'il pût mourir, car jusqu'à ce moment, elle s'était obstinément refusée à cette idée. Elle n'avait pas le temps de s'abandonner. Après s'être, par un énergique effort un peu calmé, elle rentra. « Carbonneau m'a fait du bien, » dit M. Michon. « Soigné comme je le suis par toi, ça va aller. » On lui apporta bientôt la potion ordonnée, cette potion qui devait tout décider. Elle la garda un moment dans ses mains, la regardant comme si elle pouvait l'interroger. Puis elle commença à la donner. Avec quelle anxiété! Il devait la prendre en 3 petites tasses, d'heure en heure. Après la première heure, il dit « Ça passe. » Elle lui donna la seconde tasse. Penchée sur lui, dévorée de fièvre et de peur, elle attendit. C'était vraiment la vie de son père qu'elle tenait entre ses mains. Elle le sentait terriblement. Après 1 heure d'attente, il dit encore « Ça passe ». Était-il sauvé? Elle eut un moment d'espérance et de joie. Elle lui donna la 3e tasse. Et lui tenant la main, debout près du lit, ne le quittant pas des yeux, elle attendit. Au bout de quelques instants, il commença à suer et à tomber dans l'assoupissement. Jamais elle n'avait éprouvé pareille angoisse. Cela dura à peu près 1 heure et demie. Lui, haletant, elle, le regardant. Enfin, il tourna un peu la tête vers elle. « Ça ne passe pas, » dit-il. Il s'agita, soupira fortement, et retomba bientôt dans une somnolence entrecoupée de soubresauts. Elle le quitta un moment pour aller dans le jardin. Elle n'y pouvait plus tenir. Il fallait qu'elle pleurât et criât à son aise. Il était perdu. Perdu sans secours, sans miracle possible. Elle le voyait bien. Certitude plus cruelle encore, elle le sentait en elle-même. Elle rentra et se réinstalla auprès du lit. Ah, comme le temps fut long, que les heures furent lentes. Le jour était gris et froid. Lorsqu'elle lui donnait un petit morceau de glace, la seule chose qu'il prit maintenant, il paraissait vouloir la remercier, et ses yeux attendris se fixaient sur elle. Maurice s'étant plusieurs fois approché, il ferma les yeux, et quand celui-ci lui présenta aussi la cuillère, il refusa d'ouvrir la bouche et détourna la tête. À un moment où Armande n'était point dans la chambre, de son bras libre, il le repoussa. « Non, dit-il, ma fille. » Il avait ce bras hors du lit, et toutes les fois qu'Armande venait à sa portée, il lui serrait la main. Lorsqu'elle s'asseyait auprès de lui, il lui posait ce bras sur les genoux, et elle restait immobile, comme s'il eût été insensible. Mais il avait pleine conscience de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. On avait prévenu Victorine que son grand-père était très malade et qu'elle ne devait pas faire de bruit. L'enfant, sans se rendre compte de ce qu'on lui disait et de ce qu'on lui demandait, avait promis d'être sage. Mais naturellement, elle avait vite oublié ses promesses, et le jardin avait retenti de ses cris et de ses jeux. Ses cris arrivèrent jusqu'à la chambre du malade. Maurice fit un geste d'impatience et se leva. Le vieillard comprit son intention. « Non, dit-il, qu'on la laisse jouer. Quand elle sera fatiguée, qu'on me l'amène. » Vers le soir, il se plaignit d'avoir froid. « Enveloppe-moi le bras avec de la ouate, dit-il. » Cependant, il était couvert d'une sueur visqueuse qui le perlait sur le front et à la racine des cheveux comme des gouttes de rosée. « Il faut aller chercher Carbonneau, dit-il bientôt après. « Le voici, dit Armande, qui, l'oreille aux aguets, avait perçu le bruit de ses pas, quoiqu'il fût encore au bout du jardin. « Ah, tant mieux. « Quand faut-il que vous nous quittiez ?» demanda Armande à Carbonneau. Elle ne savait plus que faire et se cramponnait à la moindre espérance. Carbonneau, c'était un secours. Il pouvait le sauver. « Je ne vous quitte pas, dit-il. Je reste la nuit avec vous. » Et il s'installa dans un fauteuil. Mais, terrible présage, il n'ordonna rien. Dans la nuit, M. Michon se trouva seul avec Carbonneau. Il lui fit signe de s'approcher. « Mon ami, dit-il, c'est fini. » Carbonneau voulut le rassurer, il ne le laissa point parler. « Croyez-vous que j'ai peur de la mort ? » reprit-il avec une plus grande facilité de prononciation. « Non. Mon regret, c'est de laisser ma fille malheureuse. Je vous la recommande. Est-ce dit ? C'est juré. » reprit Carbonneau, étendant la main. « Ne lui dites rien, il ne faut pas l'effrayer. Elle voudrait des prêtres, des prières. Vous m'éviterez ces cérémonies. Je veux mourir comme j'ai vécu, en homme. » Il s'arrêta un moment pour se reposer, et après avoir bu une cuillerée de potion, il reprit. « Allez sur mon bureau. Bon, vous trouverez un petit crucifix. Bien. C'est une religieuse qui me l'a donné, pour l'avoir soignée et guérie. C'était pour elle la chose la plus précieuse du monde, la seule qu'elle posséda. Dans sa simplicité, elle l'a offert à ce qu'elle jugeait le dévouement. En pleine connaissance, je vous le donne à vous, comme le plus digne par la science et le cœur. Embrassez-moi, mon ami. Vous parlerez de moi avec ma fille. » Armande rentra. Elle revint auprès du lit et reprit sur elle le bras de son père. Maurice et Carbonneau restèrent silencieux dans un coin. Il était assez calme et resta calme toute la nuit. De temps en temps, il disait qu'il avait besoin de dormir, puis il se plaignit du froid. Aidée de Carbonneau, elle l'entortilla dans une couche de ouate plus épaisse et ils lui brûlèrent les pieds avec des fers inutilement, sans réchauffer les jambes. Il voulut boire un peu de vin et il dit que cela lui faisait du bien. Quand il fermait les yeux, Armande laissait couler ses larmes. Quand il les rouvrait, elle les arrêtait. Elle ne savait point s'il avait conscience de son état et elle avait peur de l'effrayer. Le jour, en se levant, un jour pâle et gris, montra qu'il s'était sensiblement affaibli. Cependant, la face n'était point trop mauvaise, mais tout son corps s'était affaissé, sa main, de plus en plus froide, glaçait celle d'Armande. Ses jambes étaient froides aussi, et jusqu'à la ceinture. Carbonneau dut partir car il n'y avait point de tendresse qui tint. Il avait son devoir, son hôpital, ses élèves, ses malades. La matinée s'écoula lentement. M. Michon disait ne pas souffrir quand il parlait. mais il ne parlait presque plus, et encore par mots inintelligibles. Évidemment, la mort l'envahissait membre par membre. Mais ses yeux n'étaient point encore éteints, comme il regardait sa fille. Elle se refusait toujours à admettre qu'il fût près de sa fin. Bien malade, oui, mourant, non. De temps en temps, elle lui demandait doucement, en se penchant sur lui, « Souffres-tu ? » Il répondait difficilement, « Non. » Puis souvent, elle lui disait simplement, en le regardant, « Grand-père. » Et à cet appel, il la regardait aussi et lui répondait, « Ma fille. » Ce fut le dernier mot qu'il prononça. Ce qu'il dit encore, à de longs intervalles, n'était pas complètement formé. Soit que son cerveau ne le lui fournit plus, soit que ses lèvres ne pussent plus se fermer pour les articuler. Quand il voulait quelque chose, soit un peu de glace, soit un peu de vin, d'un doigt qu'il levait lentement, il montrait sa bouche. Mais quand elle le lui donnait, souvent il avait déjà oublié, et il n'ouvrait pas, ou il ne fermait pas les lèvres. Quand elle lui demandait « Veux-tu m'embrasser ?» il faisait un signe faiblement affirmatif. Elle l'embrassait, lui, ne l'embrassait point. Vers 5 heures, il cessa absolument de parler et de remuer la main, mais ses yeux ne se détachèrent point encore des yeux de sa fille. Cependant, il arriva un moment où Armande vit qu'il ne la regardait plus et que ses yeux étaient dans le vague. La respiration était devenue plus haute, plus rapide. Elle se changea insensiblement en râle. Toujours appuyé sur Armande, il avait petit à petit glissé du lit et il était presque couché sur ses genoux. Carbonneau, qui venait presque d'heure en heure, le releva et le mit à moitié assis sur le lit. La tête tournée du côté de sa fille, ses beaux cheveux blancs épars sur l'oreiller, il resta immobile dans une situation qu'Armande n'oublia jamais, horrible et touchante à la fois, belle et épouvantable. À 7h30, il rendit un soupir plus faible. Armande, qui était dans la ruelle, se mit à genoux et l'embrassa. Il était mort. Maurice l'entraîna et la força à se coucher, mais dans la nuit, elle se releva. Elle traversa le jardin, éclairé par une lune rougeâtre et plein d'ombres effrayantes, que les arbres agités par le vent promenaient sur le gazon, et elle revint dans la chambre de son grand-père. On lui avait fait sa dernière toilette. Cependant, elle voulut peigner ses cheveux, qui étaient mêlés. Elle en coupa aussi quelques mèches avec cette adresse qu'il est prodigieux qu'on ait dans de pareils moments, sans laisser d'entailles disgracieuses. Alors elle s'assit auprès du lit, à la même place, dans le même fauteuil où, quelques heures auparavant, elle l'avait soigné, et longtemps elle resta là à pleurer, se demandant pourquoi on ne lui avait rien dit avant de mourir. Quand ses larmes s'arrêtaient, elle le regardait. Il était d'une beauté vénérable, pleine de grandeur et de sombre poésie. Sa bouche, qui était ouverte au moment de la mort, s'était d'elle-même fermée. Vers le matin, Maurice vint la rejoindre. Il s'agenouilla auprès du lit et, prenant la main de cet homme qu'il avait tant aimé, il la baisa en pleurant. Ce fut le lendemain que l'enterrement eut lieu. Armande aurait voulu aller au cimetière. Maurice et Carbonneau s'y opposèrent. Elle demeura donc à la maison, dans la maison déserte, et Madame Aiguebelle resta auprès d'elle, non pour la consoler, mais pour qu'elle ne fût pas seule. Il y avait 1 heure à peine que l'enlèvement du corps s'était fait, lorsqu'on vint prévenir Madame Aiguebelle que quelqu'un la demandait. Bientôt elle rentra. « C'est Monsieur Martel, » dit-elle. En même temps, derrière elle, Martel parut. Il était en costume de voyage. « J'ai reçu la dépêche trop tard, » dit-il. « Au moins j'arrive pour le pleurer avec vous. »